Toute l'équipe de Transmission, le podcast, tient à remercier, comme un lundi, ASBL, sans le support technique de laquelle il aurait été impossible d'enregistrer cet épisode 49. Merci à eux. Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis bien entouré avec mes amis, en présentiel, cette fois en incarné, donc salut Manu, comment vas-tu ? Salut Olivia, tu vas bien ? Très bien, ça fait plaisir de te voir, mais toi aussi Julien Rombaud, de retour, comment vas-tu ? Oui, et grand plaisir d'y être, bonsoir, bonjour tout le monde. Mais nous avons encore quand même un ermite qui est bien loin, à quelques kilomètres, à 4000 Liège. Lucien, m'entends-tu ? Je t'entends, Oli, je t'entends. Super, donc nous, on t'entend pas super bien aujourd'hui, mais on réglera ça en post-production. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, ça fait très très plaisir. Nous avons aujourd'hui 3 films au programme, seulement 3 malheureusement, puisque l'actualité était moyenne selon nous, enfin voilà, bon, on n'avait pas le temps, etc., etc. Donc, on parlera de Benedetta de Paul Verhoeven, qui est enfin sorti en Belgique. On est heureux de le voir enfin, ce film, enfin on verra si, à quel point on est heureux finalement de l'avoir vu. On parlera également de Don't Breathe 2 de Rodo Sayeges. Et enfin, on finira l'émission avec Cher Camarade, le film de Andrei Konchalovsky. Vous remarquerez que nous ne parlerons pas de Dune, malgré que ce soit vraiment plein dans la pop culture. Et peut-être le cinéma d'auteur, on n'en sait rien. Mais comme on s'était fait royalement chier aux 2 derniers films de Villeneuve qu'on avait chroniqués, on s'est dit, on fait un choix éditorial et on ne parle pas de Dune. Donc voilà, je n'en parlerai plus. Par contre, j'en profite pour vous rappeler que le 6 octobre au Kinographe à 19h30, nous projetons en partenariat avec le Kinographe Le Solitaire, Thief, le film de Michael Mann de 81, et que nous recevons Jean-Baptiste Toré qui fera une présentation du film et qui commentera le film aussi à l'issue de la séance. On est très très heureux de le recevoir, qu'il nous fasse cet honneur à l'occasion de la sortie de son livre Michael Mann, Mirage du Contemporain, et d'ailleurs le Transmission 50 sera en compagnie de Jean-Baptiste Toré qui ne répondra pas à nos jeux débiles mais qui parlera de Michael Mann avec nous. Voilà. À propos de jeux débiles, j'ai eu justement l'occasion de bien préparer mon émission et du coup je lance Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. 2 très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. 2, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses ? Une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains. Alors, le jeu d'aujourd'hui s'appelle « Il vous reste bien quelques dollars ». Et il est consacré aux suites de films à succès. D'ailleurs, en fait, en faisant les questions, je me suis rendu compte que c'était que des films américains, d'où le titre de ce jeu merveilleux. Alors, le premier d'entre vous qui dira « Attention !» Le premier d'entre vous qui dira « Maria Conchita Alonso » a le droit de répondre. Alors, première question. Première question, la plus facile. Dans l'ordre chronologique de leur diégèse, quel est le deuxième volet de la franchise Indiana Jones ? C'est pour Manu, ça. Maria Conchita Alonso, c'est... L'arche perdue. Excellente réponse de Julien Rombaud. Dans l'ordre chronologique de leur diégèse, c'est Les Aventuriers de l'Arche Perdue qui est le deuxième film d'Indiana Jones puisque le Temple Maudit se déroule en 35 et Les Aventuriers de l'Arche Perdue en 36. Tu n'as pas C'était de point, vicieux. Julien Rombaud, parce que tu n'as pas dit Maria Conchita Alonso. Et alors, que tu n'as dit qu'un quart de la réponse. Voilà. Deuxième question. En 1975 et 1977 sortent les suites de 2 cartons signés William Friedkin. Quel film, quel réalisateur ? Maria Conchita Alonso. Lucien Alflans, à vous la parole. L'Exorciste 2, c'est Boorman qui fait ça? Et French Connection 2, est-ce que c'est pas Frankenheimer qui fait ça? Exactement, L'Exorciste 2, l'hérétique, pour dire le titre complet de John Boorman en 77 et French Connection 2 de John Frankenheimer en 75. Tu as un demi-point, Lucien Alflantz. Alors, pourquoi un demi? Troisième question. Parce que tu as dit Boorman et pas John Boorman, et tu as dit Frankenheimer, pas John Frankenheimer, et tu as dit L'Exorciste 2, et tu n'as pas dit voilà. L'Exorciste 2, l'hérétique. Et puis tu as dit le film de 77 avant le 75. Ok, et je suis très dur. Ok, ok, ça va, vas-y. En 1983, John Travolta reprend son rôle de Tony Manero dans une suite de Saturday Night Fever. Quel film, quel réalisateur? Maria Conchita Alonso. Ah non, Manu. Un film de Sylvester Stallone. Exactement, un film de Sylvester Stallone qui s'appelle... Staying Alive, bravo Manu, bravo. In Extremis, tu as un point. Et enfin, j'ai un bonus. Moi, je donne deux réponses. J'ai un demi-point et je donne la réponse en même temps que Manu et j'ai pas de point. Mais oh. T'es à Liège, mec. Avec quoi tu mets d'être à distance? Je crois que c'est juste lié au décalage. J'ai une question bonus. En 1990, Maria Conchita Alonso joue dans la suite d'un film célèbre aux côtés de Danny Glover et Gary Busey. Quel film, quel réal? Tu peux répéter la date? C'est Maria Conchita Alonso dans Predator 2 de Stephen Hopkins. Manu, enfonce tout le monde ce soir, c'est en effet Predator 2 de Stephen Hopkins. Bravo, bravo, bravo. Et pour ceux qui ne le savent pas, Maria Conchita Alonso est une actrice vénézuélienne qui a beaucoup joué dans beaucoup de séries et qui a eu sa petite heure de gloire à Hollywood, tournant des années 80-90, mais je crois qu'elle jouait aussi, elle a eu aussi un petit rôle dans Desperate Housewives. Voilà, très bien. Eh bien, on enchaîne tout de suite avec Benedetta. Bartoloméa a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché? Non. Avez-vous de l'affection? Ouais. Ce qui se passe ici est un blasphème. Ce qui compte, elles le savent déjà. Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle est rebutée. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Je ne sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi. Tu dois faire des aveux complets. Sacrilège ! Renonce à ta vanité. À vous ! On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe ? Ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins. Après sa carrière hollandaise de « Qu'est-ce que je vois » en 1971 au « Quatrième homme » en 1983, puis sa carrière hollywoodienne de « La chair et le sang » en 85 à « Hollow Man » en 2000, Paul Verhoeven a entamé sa carrière française en 2016 avec « Elle » et continue donc avec ce « Benedetta », toujours avec Saïd Ben Saïd à la production et Virginie Efira devant la caméra. Tourné en 2018, le montage du film a été retardé suite à des problèmes de santé du réalisateur, puis sélectionné à Cannes 2020. La sortie du film a été repoussée encore d'un an pour arriver dans les salles françaises début juillet pour un accueil public glacial dans un contexte post-pandémique et finalement sorti chez nous depuis la mi-septembre. Adapté de l'ouvrage « Immodest Acts » de Judith C. Brown, sorti en 86, Benedetta s'inspire de l'histoire vraie de Benedetta Carlini, religieuse catholique italienne du XVIIe siècle, habitée de visions du Christ et qui va entretenir une liaison homosexuelle avec la jeune Bartoloméa, une paysanne réfugiée au couvent. L'écriture du scénario a été entamée avec Jean-Claude Carrière, avant que Gérard Soutemann, vieux complice de Verhoeven pendant sa période hollandaise, n'y travaille. Finalement, en désaccord sur la direction que doit prendre le script, Paul Verhoeven achève le script avec l'Américain David Burke, qui avait déjà travaillé sur Elle. Outre la susmentionnée Virginie Efira, on retrouve au casting Charlotte Rampling dans le rôle de la mère supérieure Félicita, Daphné Patakia dans celui de Bartoloméa, mais aussi Olivier Rabourdin, Lambert Wilson ou encore Louise Chevillotte, excellente dans le film et qui est à l'affiche du film L'événement d'Audrey Diwan, qui vient d'obtenir le Lion d'Or à Venise des mains du président Bong Joon-ho. Et c'est monsieur Julien Rombaud qui commence sur le film de ce bon vieux Polo. Je suis assez intimidé, hein, débuté surtout que j'ai vos yeux en face de moi, ça faisait très longtemps. écoutez, pour dans la réception du film, je trouve que le film de Verhoeven lorgne beaucoup plus du côté de la farce que du côté de la provocation, parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires allant vers le soufre et le provocateur du film, mais en fait je trouve qu'il est beaucoup plus burlesque et qu'il est beaucoup plus drôle, par moments en tout cas, qu'il n'est tragique. Et je trouve qu'il raconte surtout les absurdités religieuses et l'hypocrisie bigote qui est incarnée notamment par le personnage de Lambert Wilson, et qu'il est plus parfois du côté de, je vais oser les mots, de Molière et d'une certaine forme de farce bouffonne, avec beaucoup de, qui va jusqu'à la scatologie, qui va vers le côté sale gosse de Beethoven, que, comme je l'ai dit, vers le côté provocation du film. Ceci dit, je trouve qu'il est réjouissant de le voir et qu'il fait beaucoup de bien, parce qu'il raconte aussi à travers la peste et à travers les châtiments, la prise de possession du corps sur le religieux, et qui met des corps, voilà, qui met le corps au centre, et que on sent vraiment l'importance du corps, du désir, du sexe, dans ce milieu trop engoncé, trop fermé et trop chaste, évidemment, que naît un monastère. Et je trouve que c'est une idée très belle ici, c'est que ceux qui vont vivre sont ceux qui vont assumer leur sexualité, qui vont la saisir à pleine main et à plein bras, et justement vont périr de la peste et autrement, ceux qui refusent de voir ce changement arriver. Après, pour lancer le débat, je trouve que dans la mise en scène, il cherche souvent à convoquer le miracle. On ne sait pas, par exemple, les raisons des stigmates. Elles sont longtemps mystérieuses. Ou en tout cas, dans l'image, avec la pleine lune, le ciel teinté de rouge, les visions de Jésus, etc. Et que je me dis, il tente de titiller un petit peu le sacré. Et qu'en même temps, je vois surtout la bouffonnerie. Et que certaines scènes sont un peu ratées parce que kitsch, notamment les serpents, etc. Alors que quand il y va vraiment et qu'il donne les moyens financiers et les moyens ambitieux à la scène, comme l'avant-dernière scène et le bûcher, etc., je trouve que ça fonctionne à plein pot. Mais voilà, il y a certaines petites scènes qui, par leur réalisation, me sortent un petit peu du film. En tout cas, me font marrer, donc c'est réjouissant parce que c'est plein de pulsions de vie, mais qui, au final, le perdent un petit peu, je trouve. Mais je pense que, effectivement, le film pâtit d'une certaine qualité française, on va dire. Ce qui est d'autant plus quand on le voit au regard d'un autre film qu'il a fait, qui se passe, donc, je crois, un siècle auparavant, qui est La chair et le sang. Et on n'est pas du tout dans la même tenue plastique. Et là, pour le coup, effectivement, à des moments, ça ne tient pas uniquement à la direction photo, mais c'est aussi dans le choix des décors. Il y a un aspect quelquefois un peu cheap, à la fois dans les décors, comme dans la reconstitution historique, comme dans certains matte paintings qui illustrent l'arrivée de la comète au-dessus. Alors, bien sûr, c'est évident qu'il embrasse une imagerie religieuse et qu'il en souligne un certain aspect kitsch, etc., et qu'il le cherche à le ridiculiser dans cette vision-là. Mais plastiquement, ça reste assez pauvre. C'est l'écueil du film, et c'est un écueil que j'attendais relativement, puisque c'était un écueil qu'on avait déjà dans Elle, ce qui n'enlève pas du tout les autres qualités du film qui sont bien grandes. Lucien ? Je suis absolument parfaitement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je pense que c'est quand même important à mon sens, de souligner que le côté qualité française que trouve Manu, on le trouve peu, je trouve, dans ces scènes de kitsch qui sont, à mon sens, comme vient de le dire Manu, parfaitement volontaires. On les retrouve plutôt dans des scènes plus plates, je veux dire, moins risquées. J'ai même pas trop de mal à dire que c'est l'un des films les moins tenus formellement et visuellement de Paul Verhoeven, qui est un cinéaste, on le dit assez peu, parce qu'on parle toujours de ce côté provocateur, etc., mais qui est un cinéaste et qui joue d'une maîtrise formelle assez hallucinante. C'est un film assez particulier, en effet, parce qu'il y a quand même des moments, je trouve, comme j'avais pu les avoir dans Elle, peut-être un peu, de manière un peu moindre ici, mais il y a quand même des moments assez extatiques, je trouve, quand même, dans le film, qui passent par une construction qui démarre dès les premiers instants, par justement, moi, dans ce kitsch, j'ai trouvé des choses qui m'ont vraiment plu et qui m'ont vraiment procuré énormément de sensations et de plaisir. Je pense entre autres à la procession avec les chœurs, etc. Peu de cinéastes osent quand même aller aussi loin et flirter autant avec le grotesque, avec le ridicule, le kitsch, comme vous dites. Verhoeven le fait, il n'en a jamais eu peur, il n'en a toujours pas peur, et ben ça crée quand même des moments de cinéma. Et comme le disait Julien, en fait, en regardant le film, moi, je me suis dit à bien des moments que très étonnamment, ce type de proposition thématique est assez rare au cinéma. Vraiment, la manière vraiment de, mine de rien presque, dans un premier temps, et puis après, ça devient de plus en plus évident, mais de disséquer le corps pour parler de l'esprit. Peu de cinéastes le font à nouveau, Verhoeven l'a déjà fait et le fait toujours fort bien. Et vraiment, je me suis posé la question en voyant le film, combien de fois j'ai vu ça dans ma vie? Pas tellement au final. Alors oui, le film est un peu lâche à certains, un peu plat à certains moments, mais ça reste quand même l'œuvre d'un grand cinéaste, quoi. Ah oui, et puis ce qui marque dès les premiers instants du film, c'est vraiment cette liberté de ton et ce ton si particulier du cinéma de Paul Verhoeven et qu'on retrouve pleinement dans Benedetta. Et je pense en plus qu'au-delà de l'aspect provocateur et que peut avoir le film, il y a vraiment, c'est toujours sous-tendu par une vision historique à un sens assez juste qu'on retrouve chez Verhoeven, qui était déjà là dans la chair et le sang, et qui sous-tend toujours son travail, qui lui donne une profondeur au-delà même des tabous qu'il se plaît à enfoncer au fur et à mesure de son film. Et au-delà de l'aspect grand guignol de sa mise en scène et de la narration, je trouve qu'il y a une vraie finesse dans son rapport à l'histoire, en fait. Dans la même idée, à nouveau, moi je me suis souvent posé la question sur ces époques, enfin ces époques éloignées des nôtres qu'on voit souvent au cinéma. C'est pas la première fois que je vois un film de Verhoeven et que je me dis, oui, peut-être que le Moyen-Âge ou que des époques plus éloignées des nôtres desquelles il peut se rapprocher dans ses films, devaient ressembler plutôt à ça qu'à ce qu'on voit d'habitude. Et à nouveau, rares sont les cinéastes qui vont aussi loin dans la représentation de ce qu'ils filment. Merci Polo pour ça. Après, avant de passer la parole à Oli, j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de mal avec... j'ai d'ailleurs oublié son nom, avec l'antagoniste de Virginie Efira. Tu parles de Louise Chevillotte, la fille de, enfin celle qui joue la fille, je ne sais pas si c'est vraiment la fille biologique, mais en tout cas la protégée de Charlotte Rampling dans le film. Non, l'amante. Oui, l'amante de Bartholoméa, donc pas son antagoniste. Plutôt Bartholoméa, c'est ça. Daphné Patakia. Sa copine, Daphné Patakia. Oui, c'est ça. Daphné Patakia, oui, c'est ça. Non, moi, j'ai rien contre elle. Je la trouve plutôt très bien. Moi, moi j'aurais plutôt du mal à croire à la coloration de cheveux de Virginie Efira, qui joue une nana qui doit avoir genre 23 ans dans le film. C'est plutôt ça qui m'a un peu gêné. Mais bon, après, je trouve qu'elle s'en tire bien globalement, comme la majorité des acteurs principaux. Après, je trouve qu'il y a des rôles secondaires qui sont vraiment, des fois, un peu au théâtre. Ce soir, c'est très bizarre. Moi, je suis bien emmerdé avec ce film, en fait. Je vous avoue que j'ai, comme souvent avec Verhoeven, j'ai pas bien compris le film. Je crois que j'aurais besoin de le revoir parce que je suis vraiment interrogatif par rapport à ce personnage principal que je n'arrive jamais à cerner. En fait, je ne sais jamais à quel point est-ce qu'elle est habitée par Dieu, à quel point elle fait les actions qu'elle entreprend dans le film par folie mystique ou par manipulation, ou je ne sais jamais vraiment me positionner par rapport au personnage, ce qui peut être très bien, mais n'empêche qu'au bout d'un moment, j'ai un problème, vu que le personnage principal de Benedetta, enfin, c'est vraiment elle qui drive le film, eh bien, au bout de deux tiers de film à peu près, je me demande un peu où est-ce que ce film va et qu'est-ce que ce film me raconte et jusqu'où... Enfin, j'ai l'impression que la structure narrative du film n'est pas assez forte pour que je puisse rester vraiment accroché tout du long, même si le film m'amuse régulièrement. Au bout de deux tiers de film, je me demande un petit peu pourquoi je regarde ça. Et du coup, après, comme je me suis un petit peu renseigné et que j'ai vu qu'il avait quand même été voir Jean-Claude Carrière, puis Gérard Souteman, et puis ensuite, finalement, qu'il avait repris le scénariste David Burke, je me suis dit que peut-être que au final, Paul Verhoeven a peut-être pas mal hésité sur vraiment ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait faire avec ce film-là. Et ça me semble assez flou, si ce n'est, en effet, ce que Julien disait très bien en introduction, d'opposer, enfin de mettre le corps au centre du récit et de montrer à quel point le carcan religieux peut l'aliéner et donc les moyens de pouvoir reconquérir ce corps, que ce soit même dans une sorte de folie mystique, mais en même temps le personnage est plus ambigu que ça. Mais tu parles d'aspect flou et d'ambiguïté du personnage. Pour le coup, je trouve un des écueils du film, c'est que contrairement à une grande partie de sa filmo et de ses héroïnes, parce que c'est quand même le trajet d'une grande partie des héroïnes des films de Paul Verhoeven, que ce soit dans Showgirl, dans Spetters, ou dans Black Book, c'est à peu près ce même personnage féminin qui va faire son chemin bon l'un mal l'un au fil des événements, sans jamais savoir si elle a un coup d'avance réellement sur les événements. À savoir quelle part d'opportunisme le personnage recèle. Je trouve que là, le film lève un petit peu d'une ambiguïté sur le personnage dans le dernier tiers du récit. C'est peut-être un petit peu dommageable parce que ça déséquilibre, à mon sens, un peu le récit de comprendre à quel moment, d'une certaine façon, elle prendrait cette décision de se positionner de manière manipulatrice assez tôt dans le récit, et je trouve pour le coup que c'est des nœuds dramatiques qui sont pas très bien travaillés dans le film et qui me posent problème. C'est plutôt d'une certaine façon la trop grande clarté vers la fin du film qui me pose problème plutôt que son ambiguïté. Julien ? Non mais c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Effectivement, j'avais noté que justement ce qui était la force du film, c'est qu'il laissait les portes ouvertes pendant longtemps et que donc il ne se décidait pas à choisir ou à juger si c'était de la manipulation ou finalement un miracle qui arrivait. Et je trouvais ça assez fort. Et je trouve que la dernière scène est très éloquente sur le fait qu'elle triche ou non avec ses accès de possession et de croyance. Donc malheureusement, je trouve effectivement que le fait que ce soit très clair à la fin, finalement, gâche un petit peu, en tout cas moi, le trajet que je m'étais fait de ce personnage, parce que je me suis dit, voilà, il ne choisit jamais. Et en fait, on peut se raconter ce qu'on veut, et c'est ça aussi qui fonctionne. C'est pas si clair que ça, moi, je trouve. J'ai eu cette peur-là, je dirais, à deux tiers du récit, quand on commence à mettre en cause le fait qu'elle ait pu s'auto-infliger ses sévices. Mais pour moi, jusqu'au bout, il garde quand même un doute là-dessus, sur le fait que... Ce que Daphné Patakia retrouve dans le bûcher, c'est pas vraiment un doute. Il y a le fait que lorsqu'elle fait le bain de pied à la mère Wilson, il pourrait jouer sur l'aspect où elle... On n'aurait pas connaissance auparavant que Lambert Wilson lui-même soit infecté. Et donc, il joue vraiment sur cet élément-là de mise en place où elle va après consulter Charlotte Rampling pour mettre en place sa scénographie finale. Donc, il y a vraiment un aspect de mise en scène du personnage qui est assez évident et qui est effectivement en plus souligné par ce bout de verre ou de poterie qu'elle retrouve dans les flammes et qui clairement... J'ai vu les mêmes choses, j'ai vu ça aussi, mais depuis le début du récit, il y a des choses matérielles qui la font se blesser. Et donc, c'est même ce qu'elle dit, en fait, c'est le Seigneur qui m'inflige ses sévices à travers ma propre main. Et donc, ça reste, ça pourrait être il pourrait être question d'une possession, et ça, c'est tenu jusqu'au bout. Il n'y a aucun moment, j'ai l'impression que le film me dit, c'est auto-infligé ou pas. Ça reste trouble, ça l'est moins à la fin qu'au début, mais ça reste pas très clair à mon sens. Elle va quand même voir Charlotte Rampling en prison pour lui demander de sortir, d'y aller. Il y a vraiment toute cette position, cette logique de mise en scène lorsqu'elle va au bûcher, elle est clairement montrée. Là, tu peux pas dire qu'on est dans un cas de possession, il y a vraiment entre guillemets complot ou manipulation à ce moment-là. L'idée de la voix masculine, alors même qu'on n'est pas la première personne quand elle est filmée, va dans cette idée-là aussi. Il reste quand même un voile qui n'est pas tout à fait levé pour moi. Oui, mais je trouve que dans ses précédents films, il y avait un équilibre beaucoup plus fort sur la construction de ses personnages féminins. Le personnage typiquement de Black Book est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus trouble et je trouve fonctionne de beaucoup moins de manière schématique comme fonctionne le personnage d'Elphira qui a des moments un petit peu en mode on-off entre guillemets entre la Vierge Immaculée et la manipulatrice assouvie. Mais là où, pour recentrer un petit peu le débat et le déplacer très légèrement, je dirais juste que là où je reconnais vraiment bien l'œuvre de Verhoeven, par exemple, c'est et aussi la patte visuelle qui, selon vous, qui peut manquer ici. Je ne sais pas si c'est une histoire de volonté ou si c'est une histoire de moyens. Mais soit, moi j'ai trouvé le parcours de Charlotte Rampling dans le film très très beau, parce qu'elle commence vraiment comme une calculatrice vraiment très intelligente et très froide comme ça. Et puis au fur et à mesure du film, elle gagne vraiment en épaisseur et elle parvient vraiment à nous toucher. Ça me fait un peu penser, on avait parlé de Spetters ici, où les personnages commençaient... idiot, on avait envie de leur jeter des pierres et à la fin était super épais. Et puis je voulais dire quand même qu'au niveau visuel, bah il y a quand même une sacrée maîtrise dans le découpage, notamment il y a toutes les scènes. Enfin moi je trouve au cœur du film il y a ces scènes avec Louise Chevillotte qui essaye de convaincre les autres sœurs du couvent que Benedetta est une manipulatrice et la manière dont ces scènes-là sont découpées, notamment toute la scène où elle va finir par se flageller, je trouve que c'est vraiment une superbe manière, enfin c'est un cas d'école pour montrer les pouvoirs et les puissances et les jeux de pouvoir qui sont vraiment au cœur de ce couvent-là et la manière dont elle va finir toute seule. Enfin voilà, c'est vraiment une scène que je pense qu'on peut vraiment étudier cadre par cadre et lire tous les rapports qui s'y jouent sans son, quoi. Je suis absolument d'accord là-dessus, Oli. Et j'irais même, même quand on parle des héritiers d'Hitchcock, on parle toujours de Brian De Palma et plutôt des gens qui vont le citer dans la caricature, enfin qui vont vraiment le citer de manière évidente et souvent caricaturale, ce qui fait le génie en l'occurrence de certains films de De Palma. Mais je pense que Verhoeven est probablement un des héritiers d'Hitchcock les plus littéraux, quoi, quand on voit Basic Instinct, Zwartbook, même certains passages de Elle ou ici dans ce cas-ci certaines scènes dont celle dont tu viens de parler, ça me semble absolument évident qu'il y a une filiation entre ceux-là. Et pour revenir, puisqu'on parle de forme, de découpage, de mise en image, moi je suis absolument persuadé que le type d'image qu'il charrie est volontaire. Ce n'est pas un manque de budget, c'est pas un... En voyant les scènes qu'on peut trouver kitsch dans Benedetta, je pense à une approche semblable au kitsch qu'on peut retrouver dans Starship Troopers ou dans Total Recall. Quand je vois l'image très plate du L, je pense que Verhoeven veut volontairement utiliser une image qui ferait un peu cinéma bourgeois français. Tout ça me semble pas être... Oui, mais je veux dire, Olivier l'a rappelé, Verhoeven est quand même aussi avant tout aussi un formaliste. C'est quelqu'un, je veux dire, quand il tourne avec Ian de Bont, le film suivant qu'il va faire quand il part aux États-Unis, ça va être Piège de cristal. Je veux dire, c'est... Jeanne Lapoirie, elle va pas aller faire Piège de cristal aujourd'hui aux États-Unis. Je suis désolé de dire ça, mais je veux dire, à un moment, même, encore une fois, c'est pas l'imagerie qu'il embrasse, mais c'est la tenue visuelle de l'ensemble. Je veux dire, il avait ces mêmes visions kitsch de Jésus dans le quatrième homme, avec ses séquences avec le boxeur dans l'église, etc., Jésus sur la croix, etc. Il y avait cette même imagerie kitsch, mais elle était autrement plus tenue visuellement. Là, il y a un côté quand même très très fébrile, et c'était quand même le cas de Elle. Voilà, dans les visions du Christ, là t'es dans l'imaginaire de la petite fille, de la petite Benedetta qui vient au couvent et qui imagine son Christ avec son bâton et ses moutons, et voilà, c'est ça. Moi les visions du Christ, en tout cas dans Benedetta, m'en effet renseigné plus sur le personnage qu'autre chose, quoi. Le recours au mouvement de caméra pour appuyer son récit ou pour driver son récit, je trouve qu'ici il est beaucoup moins virevoltant, quoi. C'est un Verhoeven qui est beaucoup plus cadré, beaucoup plus empesé, beaucoup plus, enfin, qui va découper de manière beaucoup moins flamboyante. N'empêche que certaines fois, il découpe extrêmement bien. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans cette mise en image qui est moins tenue qu'auparavant, on retrouve exactement ce que fait et ce qu'a toujours fait Verhoeven. Mais en moins tenue. Bon, très bien, messieurs. Je pense qu'on tourne un tout petit peu en rond au cours de ce débat. Donc, on va clore ici, arrêter les frais, arrêter les pots cassés. Et tout de suite, on va passer plutôt à un film un petit peu plus léger, sur lequel je pense nous aurons moins de choses à dire. Un film que Julien Rombaud a adoré, je spoil, et qui s'appelle Don't Breathe 2. piano. Coming with us, kid. Get the girl! It's not me you need to be scared of, little girl. But the man standing next to you. Now, I don't know who he is, but I know who he's not. Should I tell her or you? He's gonna come for me. Now, you're gonna see what I see. Produit par Ghost House, la boîte fondée par Sam Raimi et Rob Tappert, et réalisé par l'Uruguayen Fede Alvarez en 2016, le très efficace Don't Breathe mettait en scène trois jeunes gens qui tentaient de cambrioler la maison d'un aveugle dans un quartier délabré et dépeuplé de Detroit. Malheureusement pour eux, le propriétaire se révélait un vétéran de guerre surentraîné, hyper dangereux et, attention spoilers, aussi un psychopathe bien gratiné, obsédé par l'idée d'avoir une descendance un peu à l'instar de Godefroy de Montmirail. Toujours produite par Ghost House et co-scénarisée par Fede Alvarez, cette suite est signée par Rodo Sayagues pour ses premiers pas dans la réalisation. On y retrouve Stephen Lang, vu dans Avatar de James Cameron en 2009, bien sûr, ici dans le rôle du Navy SEAL à la retraite frappé de cécité. Il commence ici le récit en tant que tuteur d'une fillette d'une dizaine d'années, prénommée Phoenix, qu'il élève coupée du monde extérieur dans une maison isolée. Tiens, encore une fois. Mais alors qu'un trafic d'organes frappe la ville, une horde d'individus s'introduit dans la maison de l'aveugle résolu à kidnapper la petite, et du coup, ça va chier grave. Phoenix est incarnée par la petite Madeline Grace, le chef des intrus par Brendan Sexton III, ou Brendan Sexton III, qu'on a pu voir dans Three Billboards de Martin McDonagh en 2017, dont on avait parlé ici. Et c'est Monsieur Manuelas qui va commencer sur le film de Rodo Sayagues. Bah, c'est une très chouette série B. C'est beaucoup moins réussi et beaucoup moins surprenant que l'était Don't Breathe, qui reste à mon sens une des meilleures séries B horrifiques de ces 10 dernières années, peut-être avec le crawl d'Alexandre Aja, qui était déjà aussi produit par Sam Raimi et Robert Tapert. Voilà, après le concept très, on va dire, tu parlais de Cameron justement, le concept très Terminator 2 du film qui est de rendre le personnage méchant du premier qui devient ici c'est le héros de la séquelle, a une tendance un peu à faire disparaître tout l'aspect horrifique du premier, soit un peu l'instinct de survie qu'avaient les deux personnages principaux dans Don't Breathe au profit d'une logique, on va dire, plus de choqueur, d'attraction, de fête foraine, avec beaucoup plus portée sur une débauche graphique. Que réellement sur recherche d'une réelle mise en tension des personnages. Après, une fois qu'on a dit ça, je trouve que c'est un film qui ment pas sur la marchandise, qui est clairement dans cette débauche-là et qui est mal poli, qui est mal élevé qui recule devant rien, notamment de montrer son horreur graphique. Je trouve qu'il est assez inventif dans ça. Je pense à la mort d'un des personnages à la non-mort, mais à la torture d'un des personnages qui se retrouve les lèvres collées par de la glue. Il y a des idées, chaque fois retorses, qui sont quand même le plaisir qu'on peut avoir dans ce type de cinéma-là, de slasher, qui est vraiment l'inventivité autour de la mise à mort des personnages. Et je trouve aussi le film assez intéressant dans la manière dont il a de relire certains aspects et certaines thématiques du premier. En les inversant, il y a toujours cette idée de paternité entre guillemets toxique, mais là qui se retrouve inversée, qui est développée dans le récit auprès des, on va dire des envahisseurs de la maison, et qui est intéressant. Il y a une logique de série B que je retrouve assez peu aujourd'hui. Voilà, c'est beaucoup moins tenu que Don't Breathe. C'est sûr que ça fera pas école à mon sens comme l'était le premier, mais voilà, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Mais ce qui est étrange avec ce film, qui est au demeurant est sympathique, c'est quand il va à l'encontre de toutes les qualités du premier. C'est-à-dire, c'est un peu un... Enfin, voilà, comme tu disais, Manu, que le personnage, le méchant du premier devient le bon, le sauveur du second. On a l'impression qu'ils ont cherché à inverser tous les curseurs. Là où le premier était un film extrêmement sec, extrêmement simple, extrêmement direct, celui-là prend beaucoup de détours, beaucoup plus, beaucoup, enfin voilà, il y a beaucoup plus d'intervenants. Là, dans le premier, il y avait trois ou quatre personnages, je crois, trois personnages. Ici, on a déjà plus de monde qui gravite, avec plus de personnages qui prennent de la place et plus. Et pour moi, ça a été les limites. À la limite, j'aurais préféré qu'il fasse sans la primeur, mais une copie conforme du premier. Ici, je pense qu'en cherchant trop à se réinventer, ils ont perdu la sève de ce qui faisait la force du premier. Julien, tu veux enchaîner ? Alors déjà, je n'ai pas vu le 1, ce qui me met en porte-à-faux avec le film. Et de plus, j'ai pas grand-chose à en dire parce que je comprends ce que veut dire Lucien. C'est vrai que je trouve qu'il m'a vite perdu justement dans des intrigues qui me semblent pas secondaire, mais gravité effectivement autour d'un sujet qui ne m'intéresse pas deux secondes. Et en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur la qualité ou non du film. Ce qui m'ennuie, c'est que... Bon, je crois que c'est un peu le principe de la série B, Manu va me taper si je dis l'inverse, mais la violence ici, par exemple, je repensais à Nightingale, que j'avais aimé à moitié, mais Nightingale, la violence était quand même complètement inhérente au film, à ce qui se passait, au personnage, au contexte. Ici, je trouve qu'on a une débauche, et j'adore la violence quand elle est au service de quelque chose, mais qu'on a une débauche de coups les plus crapuleux les uns que les autres, qui, pour un prétexte que j'arrive pas bien à raccrocher, ou en tout cas qui m'intéresse pas beaucoup. Et en plus, mais bon, vous savez que c'est mon petit côté réaliste, mais je trouve que le scénario est assez peu crédible, notamment quand ça commence à partir dans la transplantation d'organes avec un mec qu'on a vu à la télé pendant un plan qui dure 3 secondes et après on le retrouve et puis... Oui, mais on te l'a bien montré, oui, quoi. Oui, on l'a bien montré, mais voilà, je le trouve un peu volontaire dans sa démonstration justement de son scénario et en plus, je crois vraiment que c'est pas un film pour Julien Rombaut, voilà ce que je pense. Mais j'ai l'impression que Julien Rombaut attendait du Beckett alors que c'est du Grand Guignol, c'est ça le problème, peut-être. Grand Guignol, il est chez Verhoeven, je l'ai adoré, mais... Ouais, moi j'ai pas grand chose non plus à en dire, j'avais vu et aimé le premier film, je trouve quand même que c'est une suite quand même vachement poussive, vachement tirée par les cheveux. Il y a vraiment un truc complètement what the fuck au niveau de l'empathie, parce que, enfin, tu dis c'est comme dans Terminator 2, ok, mais bon là c'est pas tenu 2 secondes. Enfin, il y avait un truc dans le premier film, enfin, tu te disais quand même que ce que les trois gamins faisaient à ce vieil aveugle, c'était quand même pas sympa. Et après, ça se déplaçait parce que tu te rendais compte que l'aveugle était complètement dingue. Donc, ça se déplaçait. Mais là, ici, ça passe d'un côté, puis de l'autre, puis encore d'un autre. Et c'est le seul personnage vraiment auquel tu peux quelque part t'identifier, ou enfin, qui ne bouge pas, c'est le personnage de la petite fille. Mais la petite fille, elle est trimballée dans le récit et elle n'est pas du tout moteur du récit. Donc, bon, c'est un peu what the fuck sur ce point-là, enfin, au niveau de l'empathie, quoi. Au début du truc horrifique, il y a un très très long plan séquence qui se passe dans la maison où vraiment Rodo Sayagues prend le temps pour te montrer où est l'escalier, où sont les endroits, etc. Et je me dis, ah génial, ça va être une espèce de film d'horreur un peu, où on va savoir exactement comment se trouve la maison et donc du coup on va tout savoir et pouvoir être à fond avec les personnages, etc. Et il fait un très long plan séquence avec ça, puis finalement ça lui sert à rien. Le premier film jouait très très fort sur la cécité du personnage et donc le fait que justement il fallait pas respirer, tu vois, et faire vraiment pas de bruit. Ici c'est on s'en fout complètement. Le personnage, il est aveugle, mais bon, il y a plein de moments où tu te dis que c'est presque pas exploité, à part à la fin, à cause de la petite vibration dans la flaque d'eau. Mais bon, à part ça... Il y a la flaque d'eau, il y a le collier du chien. Il y a quand même régulièrement... C'est pas... j'ai l'impression que vous cherchez un grand film psychologique. J'ai du mal à comprendre. Mais pour le coup, je trouve régulièrement, il s'amuse son concept. Et je comprends pas trop la logique de Lucien de dire qu'il aurait presque préféré avoir une copie conforme reprenant quasiment un bis repetita du film. Je trouve pas ça très stimulant. Autant, quitte à se planter dans certains aspects, je préfère un film qui tente des trucs, qui régulièrement, moi, me fait rigoler, honnêtement. Oui, à la fin, j'aime beaucoup. Il y a quand même un plaisir ludique, je suis désolé, donc on peut totalement l'évacuer, le nier, parce que c'est pas de la qualité du premier. Mais demander que ça soit une copie conforme, je trouve ça un peu tristou. J'ai pas l'impression qu'on défende trop ce cinéma-là de mort-vivant et de photocopieuse, quoi. En effet, j'ai pas du tout bouté mon plaisir, mais bon, juste après, 24 heures après, je m'en rappelle plus trop. Mais bon, et en effet, comme tu disais, il y a parfois le film a des petites idées qui sont sympas. La scène avec la piscine vide à la fin et le fauteuil roulant, là, j'ai éclaté de rire dans le cinéma. Bon. Enfin, mais je veux dire, j'ai éclaté de rire avec le film parce que je trouvais que d'un point de vue générosité pour ce que je venais voir, il me donnait ce que je voulais voir, quoi. Donc là-dessus, voilà, j'ai pas du tout de détestation par rapport au film. C'est juste que je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui étaient posés dans le concept du premier, notamment aussi l'idée que je trouve géniale, moi, d'utiliser Détroit comme décor de film d'horreur. C'est un truc qui est assez cool. On avait vu dans 3-4 films de suite à cette époque-là. Dans le premier film, ça se justifiait parce qu'il y avait l'isolement du personnage, qu'on allait pouvoir cambrioler plus facilement. Et il y avait aussi le fait que les trois jeunes faisaient ça parce qu'ils voulaient quitter cette ville horrible. Et là, c'est vraiment, ça sert juste basiquement de décorum, ce qui est un tout petit peu bête, quoi. Voilà, mais sinon, j'ai pas de détestation par rapport au film. Très bien, merci messieurs. Donc, sans plus de salmigondis, je vous propose de passer à notre dernier film de la soirée, qui est Chers camarades d'Andrei Konchalovsky. Девочка, я вот ее найти не могу. Что вы знаете? Что-то знаете? Это же не по-человечески. Твои же свои. Âgé aujourd'hui de 84 ans, Andrei Konchalovsky est un cinéaste russe prolifique qui a commencé en tant que scénariste, notamment de l'enfance d'Ivan d'Andrei Tarkovsky en 62. Ceci avant de passer à la réalisation en 1965 avec Le Premier Maître. Le succès de son sixième long métrage, Siberia, en 1979, lui ouvre la route des États-Unis où il tournera plusieurs films, et notamment deux qui marquèrent les aficionados des vidéoclubs dans les années 80, Runaway Train en 85 et Tango et Cash en 89. De retour en Russie depuis 1991, il reste très actif et signe des films souvent reconnus internationalement, obtenant deux fois le Lion d'argent du meilleur réalisateur pour Les Nuits Blanches du Facteur en 2014 et Paradis en 2016. Ce nouveau long métrage, donc Chers camarades, son 22e, a quant à lui reçu le prix du jury de la même Mostra en 2020. L'intrigue se déroule en 1962 en URSS sous la direction de Nikita Khrouchtchev dans la ville moyenne de Novotcherkassk à 1000 km au sud de Moscou près de la mer Noire. Lyudmila Siomina, dite Lyuda, est une communiste fière et convaincue, employée de l'organe local du parti. Alors que le pays est frappé d'une hausse des prix, les ouvriers de l'usine locale de locomotives se mettent en grève. Lyuda se trouve dans une position difficile, citoyenne privilégiée malgré tout, vivant avec son père qui regrette l'époque tsariste et sa fille qui soutient la révolte des ouvriers. Inspiré d'un événement caché pendant 30 ans et aujourd'hui connu sous le nom de Massacre de Novotcherkassk, le film est scénarisé par Andrei Konchalovsky et Elena Kiseleva. La photographie en noir et blanc, en pellicule et au format 1.33 est signée Andrei Naidenov. Et dans le rôle de Lyuda, on retrouve Yulia Vysotskaya, qui était déjà dans Paradis du même Konchalovsky en 2016. Voilà, alors je pense que Lucien n'a pas vu ce film et ça tiendra donc du débat. Mais je vais donc commencer sur le film d'Andrei Konchalovsky, puisque je n'ai pas encore commencé ce soir. Vas-y Olivier. Merci Julien. Je pense que Chers camarades d'Andrei Konchalovsky va rejoindre la liste des films que j'aurais aimé. Je suis très admiratif du film et je reste très extérieur en même temps. Je trouve que la mise en scène est nettement supérieure au scénario, en fait. C'est-à-dire que le scénario, toute la première partie est très laborieuse au niveau de sa narration, au niveau de comment est-ce qu'on va poser les enjeux et recentrer les enjeux, qui pourtant m'intéressent assez fort. Je veux dire, la relation de cette héroïne avec sa fille et vraiment la position dans laquelle elle se situe, ça m'intéresse sur le papier. Mais je trouve qu'au début, le film présente beaucoup de personnages, on n'a pas tout de suite les corrélations entre tous ces personnages, etc. C'est assez lent. Donc, les scènes sont assez longues, même si elles sont très, très, très bien rythmé, je vais y venir après. Et donc, j'ai un peu de mal à rentrer dans le récit et au bout d'un moment, je reste assez extérieur, malheureusement. Mais par contre, c'est quasiment que en plan fixe, ou en tout cas, le découpage est vraiment basé sur des plans fixes. Et Kanchelovski, on sent que c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Parce qu'au niveau de la chorégraphie, de ce qui se passe dans le cadre, de... à l'intérieur du cadre, comment il découpe des cadres à l'intérieur du cadre, etc. Comment il joue littéralement de l'aspect bidimensionnel de son image pour systématiquement recentrer un élément du cadre. Et même le dynamisme qu'il met dans le cadre par la mise en place de ses comédiens, par le jeu d'acteur et le rythme du jeu d'acteur. Enfin, je veux dire, il y a cette scène où ils sont dans la cuisine et où les conflits vont vraiment bien se synthétiser avec le père qui va à la fenêtre, la fille qui se met à être de plus en plus provocante jusqu'à la gifle, etc. Je trouve qu'au niveau du timing et de la rythmique, ce plan, il claque, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment très, très bien mis en scène. Et après, ce qui est fort dans le film, c'est aussi il y a un côté, c'est pas du tout drôle, mais pourtant je trouve qu'il y a un côté grotesque en fait. Oui, il y a un côté où il y a un proche de la farce, du grotesque dans la manière de montrer certaines choses, même la scène de, on spoil, mais la scène de répression sur la place, il y a une forme de distance. On est dans la tragédie que la comédie à la fois. Dans certains éléments, je trouve il y a un rythme qui est jamais qui place jamais le curseur complètement dans quelque chose de farcesque, mais qui est toujours en équilibre. Tout à fait. Donc il est sur cette corde de voilà, presque la farce, ou en tout cas du grotesque, tout en n'y plongeant jamais. Et on est avec ces bureaucrates russes qu'on sent très lourds, très engoncés, très empesé. Et la manière dont la violence rentre dans le récit, c'est en même temps extrêmement brutal, et ça nous réveille en fait en même temps que ça réveille le personnage. Et en effet, la scène de répression, je trouvais très belle dans la manière dont t'es quelque part extérieur en fait à cette répression, parce que le personnage il est au milieu de ça, mais il le comprend pas vraiment l'ampleur du truc, j'ai l'impression, ou en tout cas pas tout de suite. Et toi, tu vois ça depuis l'intérieur de chez la coiffeuse. Ouais, mais tu l'apprends au fur et à mesure qu'il dessert son cadre, de savoir d'où tu tiens ce point de vue-là, et tu, au fur et à mesure, les éléments qu'il ramène dans le cadre, en desserrant son cadre, t'amènent à comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se passer. C'est là aussi très, très fin. Tout d'un coup, la discussion avec la coiffeuse prend tout son sens. Il y a plein d'éléments qui sont mis en place auparavant dans le récit. Moi, j'ai exactement les mêmes choses à dire, si ce n'est que, pour le coup, peut-être je manque d'humour, mais je ne l'ai pas senti cette fois, la farce et la drôlerie du sujet. Je trouve justement que le film est lent à démarrer, effectivement. J'étais pas dedans non plus. Mais à partir de cette séquence que moi, je trouve superbe, avec ce que vient de dire Manu aussi dessus, et tout l'intérieur de ce confort de salon de coiffure, et puis avec dehors la débâcle, les corps qui tombent, les gens qui meurent, et l'eau qui vient laver ensuite, après, c'est très cruel. Je trouve que c'est une très belle scène et une mise en scène du désastre très chouette. Et à partir de là, je suis complètement avec le film. Voilà, mais j'y ai pas lu le second degré, ou en tout cas l'équilibre, non pas le second degré, l'équilibre mais dont vous parlez, c'est qui quand, est assez fragile. C'est ces séquences-là qui pourraient être d'un tragique pur, etc. Il y a une certaine distance qu'il y met. Il y a tout simplement comment la place va être nettoyée, ce qui est mis en place derrière. Il s'appesantit jamais dessus, il en fait jamais des tonnes, il surligne pas la chose. Mais pour moi, c'est ce qui la rend violente, justement. Mais si des petits détails, oui, mais justement, mais par sa mise à distance, parce que justement, il ne va pas dans l'effet forcément attendu. Oui, et donc, c'est cette distance-là qui, tout d'un coup, te fait prendre l'ampleur de la chose. Et c'est ça qui est ce jeu-là qui est intéressant dans sa mise en scène. Après, moi, effectivement, le problème que j'ai, c'est dans la construction du personnage féminin, dans cette première partie qui peut se résumer à cette discussion qu'elle a au marché noir avec une des commerçantes, qui est vraiment, on va dire, pas cyclotimique, mais qui souffle le chaud et le froid. Et ça pose un petit problématique sur la manière dont on s'attache à ce personnage-là jusqu'à ces événements, et même la scène qui se déroule avec l'arrivée des officiels, où elle prend la parole au sein de l'assistance, t'as du mal un peu à comprendre quand même le fonctionnement de ce personnage-là. Moi, en tout cas, à partir de cette scène, je trouve ce dont parlait Olivier au niveau de la fracture entre les générations m'a fort touché. Et je trouve que oui, par rapport à, tu l'as dit, le grand-père tsariste ou qui regrette le tsarisme, la fille et la femme, je trouve qu'on a vraiment ce conflit, qu'on voit vraiment ces mondes différents, cette impossibilité de se comprendre, de communiquer. Et je trouve que c'est là que le film prend vraiment tout son sens. C'est plus, peut-être c'est les aspects psychologiques du film, Manu, mais c'est vraiment dans ce poids-là et dans le poids aussi qui donne, vous l'avez dit, à cette Russie engoncée dans ses idéaux figés, dans le poids du parti, la peur d'être dénoncé. C'est quand même un monde où on inspecte les livres que tu lis et c'est quand même un monde dans lequel, si tu vas soigner tes blessures, tu es poursuivi et arrêté. Donc je l'ai trouvé assez effroyable, peut-être parce que je le méconnaissais un petit peu, mais je le trouve assez fort à partir de la scène de répression à justement insuffler un souffle et des enjeux qui vous a manqué à vous. Très bien, bah, écoutez, on peut s'arrêter là si on est aussi... Avec une très belle... C'est moi qui aurais le dernier mot. C'est... Avec okay, une très belle... Non, mais je vais trouver avec une très belle scène finale sur les toits. J'essaie de ne pas spoiler non plus. Oui, d'ailleurs, là, je pense que la phrase finale qui est répétée, psalmodiée par le personnage principal, mais je pense... Oui, c'est assez beau, mais je pense que c'est aussi pour ça que de tels films peuvent sortir en Russie aujourd'hui. Je veux dire, ça éclaire un peu, ça laisse une lumière sur la fin du film. Parce que sinon, au niveau de la dénonciation, c'est quand même assez, assez dur. Très bien. Merci, messieurs. Mais je vous propose que nous passions au conseil. Je pense que Arik Alan a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chieras. Alors, les conseils de ce numéro 49 de transmission, Manu, en as-tu un aujourd'hui ? Mais malheureusement, je n'en aurai que des conseils, puisque je me suis rendu en salle voir d'autres films que ceux sélectionnés ce soir, à savoir Le Candyman de Jordan Peele, qui pour le coup est un film un peu étrange, qui se situe comme une suite directe du film de Bernard Rose, et à la fois comme une sorte de remake. Donc c'est un film qui a un propos intéressant, comme souvent on peut l'avoir chez Jordan Peele, avec une mise en avant assez intelligente d'une réflexion sur ces quartiers défavorisés du premier film qui ont été gentrifiés, et donc toute une logique de remplacement de population. Mais le film par contre échoue totalement dans tous ses aspects horrifiques. Le personnage du Candyman est absolument... Il n'est jamais iconisé, jamais très... Toutes ses apparitions sont juste... elles ne sont même pas grotesques, elles sont insignifiantes. Et donc, le film passe totalement à côté de tous ces aspects horrifiques. Il y a une amorce de récit intéressante et le film se délite et ne tient pas du tout ses promesses tout du long. Et après, bon, je vais pas enfoncer les portes ouvertes. J'ai vu Dune et voilà, ça suffit. Ça suffit à dire j'ai vu Dune, voilà. Est-ce que c'était aussi ennuyeux que Blade Runner 2049 ? Je crois que oui, parce que dans Blade Runner 2049, je crois qu'il y avait un tout petit peu de couleur. Là, à part pour les daltoniens, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à se mettre devant les yeux. Très bien, Lucien, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Lucien, es-tu là ? Je suis là, mais vous n'allez pas beaucoup m'entendre parce que je n'ai absolument rien vu, rien lu, rien entendu ces derniers mois autour de quoi que ce soit. Qui a trait au cinéma, ça me manque affreusement. Mais tu peux peut-être nous conseiller le bon petit resto péruvien qui est au coin de ta rue, non ? Je n'ai pas connaissance d'un petit resto péruvien au coin de ma rue, mais il y a un portugais qui est pas très loin, qui est pas mal du tout. Si vous aimez les bons légumes, les grillades à l'huile, les choses simples, quoi. Ok, très bien, merci Lucien pour ces éclaircissements. Julien Rombaud, attends, j'aime pas conclure, donc je vais d'abord dire moi. Vas-y. Donc moi j'ai un conseil, c'est un conseil absolument pas du tout subjectif, mais je vais vous conseiller, s'il est encore en salle, d'aller voir Une vie démente, le film d'Anne Siro et Raphaël Balboni. Non, c'est le mien. Bon bah c'est pas grave, on en parlera tous les deux. Okay. Alors je trouve que c'est un film imparfait mais attachant. qui réussit un double challenge pour un premier long métrage, c'est-à-dire parvenir à garder attachant. Excellent. Qui parvient à maintenir un rythme à la fois très enlevé sur toute la durée de la séance et conserver un équilibre finalement assez casse-gueule entre une espèce de comédie et enfin en tout cas la légèreté et le drame. Donc c'est jamais pathos et c'est jamais non plus à se taper sur les cuisses, mais on reste quand même toujours du côté de la comédie. Je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment extrêmement bien rythmées. Et au milieu d'un cast assez bon, je pense que Lucie Debay est vraiment, vraiment très bien et qu'elle a vraiment un visage de cinéma. Et en fait, c'est dégueulasse parce qu'il y a des comédiens, ben, en plus de jouer bien, ils ont la gueule qu'il faut, quoi. Et donc, Lucie Debay, j'espère qu'on la reverra beaucoup. Julien, tu voulais dire quoi ? Oui, oui. Ce qui est vraiment dégueulasse, c'est qu'il y a des comédiens qui sont tes copains, Oli. Oui, aussi, bah, alors justement, ça va dans le sens de mon conseil qui était le même qu'Olivier, les grands esprits se rencontrent, mais surtout, bon, j'allais dire c'était mon petit conseil corporate, mais je vois qu'Olivier ayant aimé aussi, je peux y aller le cœur libre. Bah oui, oui, donc Anne Siro, Raphaël Balboni, une vie démente, et notamment, bah oui, mais j'allais dire les mêmes choses. Je trouve quand même que la mise en scène manque parfois d'audace formelle et de parti pris très clair dans ce qu'elle tente de faire, mais par contre, je suis d'accord avec toi sur le mélange des genres assez subtil. Et effectivement, deux comédiens, Jean Lepelletier et Lucie Debay, qui sont très bien, qui défendent très bien leur partition et qui viennent tous les deux du théâtre. Donc c'était ça mon petit côté corporate. Il y a beaucoup de talent dans les théâtres belges. Allez voir. Et le film vaut en tout cas pour son cinéma et non pas pour son théâtre en tout cas. Merci Julien pour ce conseil que j'approuve. Merci Manu. Merci Olivier. Merci Lucien. Merci les gars. Bien sûr, on se retrouve tous sans faute le 6 octobre à 19h30 au Kinographe, donc avec la projection de Sif, le premier long métrage pour le cinéma de Michael Mann, tourné en 80, sorti en 81. Et Jean-Baptiste Thoré nous fera le bonheur de sa présence et de ses éclaircissements. À très bientôt. Écoutez Transmission, écoutez-nous sur toutes les applications de podcast, sur notre site. Likez-nous, partagez-nous, commentez des trucs. Enfin, faites tout ce que vous pouvez pour nous faire connaître. On est vraiment hyper sympa et hyper volontaire. Et on fait ça pour l'amour de l'art. Au revoir.